L'Agence télégraphique centrale de Corée a présenté le commentaire de Kim Man-ho sous le titre « Origine de la servilité japonaise aux Américains ». En voici le résumé. Ces jours-ci, le Japon se conduit à la légère et de façon aventureuse, alors que les conflits des pays voisins s'accentuent autour du problème nucléaire dans la péninsule coréenne. Plus précisément, le Japon a inscrit sur la liste de sanctions même des entreprises chinoises pour intensifier les sanctions séparées contre notre pays en prenant le parti des sanctions et pressions américaines. À ce propos, le 28 juillet, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a averti que c'est un acte suicidaire que le Japon livre des actes préjudiciaux à autrui et à lui-même sous la baguette d'un certain pays, que le côté chinois n'acceptera jamais les actions erronées du Japon et que toutes les responsabilités qui en découleront retomberont au côté japonais. En fait, la démarche japonaise fait partie de l'application des sanctions américaines de deuxième tour à l'égard des entreprises chinoises et son objectif est de suivre les États-Unis pour ternir l'image internationale de la Chine, pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut noter que le Japon se montre actif non moins que les États-Unis à propos de notre problème en faisant bruit de la responsabilité chinoise. Le Japon a dit que la Chine doit jouer un rôle supplémentaire à intensifier la pression sur notre pays et que le rôle chinois est très majeur, tout en s'évertuant à faire de la diplomatie sino-japonaise le sujet de discussion des sanctions contre la Corée. Même à la conférence au sommet des 20 pays tenue au début de juillet en Allemagne, le Japon a tenté de donner l'impression qu'il joue un rôle prépondérant plus que personne dans le problème de la sécurité régionale, tel que la demande à la Chine de la restriction de l'exportation du pétrole en Corée. Si le Japon intervient plus que quiconque au problème des points chauds asiatiques, c'est pour mettre en relief sa présence dans la région. C'est clair que pour le Japon qui s'efforce de se débarrasser de sa réputation de pays vaincu pour se faire une puissance militaire, la Chine est un grand obstacle puisqu'elle porte des problèmes bilatéraux complexes, surtout l'histoire du passé, et exerce son influence de puissance régionale. C'est la raison pour laquelle que le Japon intervient et calomnie tous les problèmes, surtout le problème régional qui n'a aucun rapport avec lui, tel que le problème de la mer du sud de Chine, voire même les affaires intérieures chinoises. Il se peut que le Japon, devenu pays membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à l'aide des Américains, convoite maintenant la fonction de pays membre permanent à la place de la puissance régionale. C'est une erreur que le Japon pense pouvoir voiler ses tâches en portant atteinte aux intérêts d'autrui. La démarche malsaine japonaise de tirer profit de l'instabilité de la situation dans la région provoquera des contre-mesures implacables.